Salut à toutes, bienvenue dans Non Essentiel. Cette semaine, on va parler un peu nostalgie, puisqu'on va retourner au vieux temps où on était un peu jeune et on jouait à quelques jeux vidéo, tout seul ou en famille, devant nos écrans. Et j'ai décidé pour cette semaine donc de vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir certaines chansons emblématiques ou peut-être un peu plus méconnues du jeu vidéo, en tout cas dans des versions un peu plus écoutables que ce qui se faisait à l'époque. Parce que bon, le 16 bits, c'est sympa, on pense tous aux chansons de Mario, de Donkey Kong, de Metroid, Castlevania, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même un peu répétitif et pas forcément hyper agréable à écouter comme ça en podcast. Alors j'ai décidé de trouver des versions de chansons connues ou des chansons plus récentes, des morceaux plutôt, on va dire, parce que c'est quand même souvent instrumental dans le jeu vidéo. Et donc de vous les faire découvrir, puisque bon voilà, on dit souvent que le jeu vidéo n'est qu'un jeu, personnellement je considère ça comme un art, et la musique en fait partie. On va découvrir ici plusieurs choses très différentes, du rock, un peu de techno, des choses symphoniques, et quelques versions un peu alternatives de ce que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, c'est parti pour Non Essentiel, spécial jeu vidéo. Non Essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renault sur certaines chansons. Connard de virus. Et on va commencer avec mon petit chouchou, je dois bien l'avouer. C'est un des tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était Sonic 2 sur Sega Mega Drive. Je crois que le jeu est sorti en 92, quelque chose comme ça, et depuis c'est vrai que je suis resté fan, même si le passage à 3D a été assez difficile, on va pas se le cacher, à part peut-être les deux premiers Sonic Adventure. Voilà, après pour avoir récemment refait le Sonic Heroes qui est sorti, donc il était je crois le troisième jeu en 3D de Sonic, bon c'est pas hyper bien foutu, on va bien se l'avouer, contrairement à Mario qui a parfaitement réussi à passer la 3D, Sonic fait un peu pâle figure. J'ai quand même voulu vous mettre une chanson de Sonic Adventure 2. Je ne sais pas si c'est le thème principal ou simplement la chanson d'ouverture. Donc c'était composé par Crush 14 certainement. Qui est un groupe américano-japonais et dont le guitariste dont j'ai oublié le nom a souvent collaboré avec Sega, notamment sur Sonic 3, donc le jeu en 2D, et sur pas mal de chansons des nouveaux jeux en 3D. Voilà, c'est Crush 14 avec Live and Learn, donc Vie et Apprends, qui est, je crois donc la chanson d'introduction de Sonic Adventure 2. Qui est un peu, pour les fans en tout cas, le dernier jeu encore potable de la série Sonic, à part les récents retours à la 2D. Voilà, jouer ça avec ça, c'est du bon gros rock, c'est tout à fait l'esprit Sonic, un peu rebelle face à Mario qui avait un peu plus de bonhomie. Voilà, Sonic Adventure 2, Live and Learn. Came back for more. Yeah. Can you feel time Live and Learn, donc, de Sonic Adventure 2, composé par Crush 40, on va dire ici, pour pas s'emmerder. Voilà, on va passer directement à la prochaine chanson. La prochaine chanson, c'est le concurrent direct. Donc, on va écouter un morceau de Super Mario Odyssey, le dernier jeu d'aventure de Mario sorti, que je dis pas de bêtises, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc avec la chanson Jump Up Superstar qui a été composée par Naoto Kubo qui est le compositeur de tout le jeu et de quelques autres jeux Nintendo surtout spécialisés dans les jeux Mario et interprétée par Kate Davis au chant qu'on a pu elle retrouver qui est plutôt une actrice de doublage qu'on a pu retrouver dans Naruto, Monster Ride ou Sailor Moon qui a aussi fait Tails dans Sonic the Hedgehog de 2010-2014. Voilà, donc c'est plutôt une artiste de doublage, mais qui a commencé en tant que chanteuse de jazz. Et donc, dans ce jeu Mario, elle double Pauline, la mère de c'est Metro City, je crois. Le royaume des gratte-ciel, je crois, en français, si je dis pas trop de conneries. Et donc, c'est aussi elle qui chante la chanson, puisque dans le jeu, c'est censé être Pauline qui chante ça. Il faut savoir que c'est la toute première chanson de toute l'histoire de Super Mario, c'est-à-dire le premier morceau avec une vraie voix humaine dedans. Puisqu'avant c'était seulement des thèmes entièrement instrumentaux. Et voilà, c'est sorti il y a quelques années, c'est Jump Up Superstar, qui à la base était composé en japonais, et puis ensuite traduit en anglais par le localisateur américain, dont j'ai oublié le nom. Voilà, on va écouter ça, c'est un peu jazzy, c'est sympa, vous allez voir. Ça reprend un peu quelques thèmes emblématiques de Super Mario. Et voilà, Jump Up Superstar. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. 20 bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom on. Donc 2017 pour cette chanson, oui, de Mario Odyssey, Jump Up Superstar. Excellent jeu d'ailleurs, même si c'était pensé quand même pas mal pour le mobile et que peut-être un peu trop de lune à récolter, un peu trop facilement un peu partout. Voilà, Jump Up Superstar, donc de Mario Odyssey, sorti en 2017, donc il y a 4 ans déjà. Et on va rester au Japon cette fois avec une chanson en japonais et qui sort certes d'un jeu vidéo, mais qui est surtout l'adaptation d'un manga ultra culte, à savoir Dragon Ball Z, ou Dragon Ball d'ailleurs les deux. On va parler de l'opening, donc du thème principal et l'ouverture de Dragon Ball Budokai 2. Qui est un jeu qui a été pensé, je crois, par pas mal de personnes avant de passer au Budokai Tenkaichi. Un jeu absolument terrible avec un opening absolument monstrueux. J'ai pas retrouvé beaucoup d'infos, je dois bien l'avouer, sur cet opening. C'est un jeu qui est sorti donc en 2003. Ça, c'était la génération PlayStation 2, GameCube. Et donc, la chanson s'appelle, attention, japonais, Kusuburu Heart Niho Tsukero. Voilà, encore une fois, je suis désolé pour la prononciation. Mais si vous voulez retrouver cette chanson, tapez simplement Dragon Ball Z Budokai 2 sur YouTube et vous en aurez un paquet. Voilà, c'est une bonne grosse partie un peu rock, assez épique pour bien commencer un jeu de combat comme seul Dragon Ball sait le faire. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je trouve que le générique a un petit air de l'OST de Brevard dans la mélodie. Alors vous pourrez aller réécouter l'OST de Brevard dans une des émissions que j'ai déjà faite il y a quelques semaines. Alors je ne vais plus savoir vous dire laquelle c'est, mais vous pouvez la retrouver sur archive.org. Voilà, on écoute ça, du coup, l'opening de Dragon Ball Budokai 2. Get the old kid to me, Lucy. Donc le thème d'ouverture de Dragon Ball Z Budokai 2, sorti en 2003, et voilà, si après ça, ça ne donne pas envie d'aller foutre des grands kamehameha dans la gueule de nos adversaires, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On va aller sur quelque chose maintenant d'un peu plus calme, je pense qu'on peut dire comme ça, beaucoup moins rock en tout cas, puisqu'on va partir sur un morceau symphonique qui est une espèce de medley des thèmes principaux de The Legend of Zelda, sorti pour les 25 ans de la série, donc il y a 11 ans exactement, cette année en fait, donc les 35 ans de Zelda, sorti en 86. C'est un medley orchestral donc pour l'anniversaire de la série, et qui a été composé donc originellement par l'immense Koji Kondo, pardon, que vous connaissez sans le connaître certainement si vous avez joué à un jeu estampillé Nintendo dans les années 90, que ce soit Zelda, Mario, Metroid, Donkey Kong, je ne suis pas sûr, mais bon, c'est certainement lui qui a composé ces morceaux que vous avez écoutés et qui sont devenus par la suite ultra cultes, comme vous pourrez l'écouter absolument tout de suite, puisqu'on va écouter un medley orchestral de la musique de The Legend of Zelda pour le 25e anniversaire de la série. Voilà, je vous laisse avec ça, à tout à l'heure. We'll be right back. avait là les thèmes principaux de The Legend of Zelda, composé déjà en 86 par Koji Kondo. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il me semble que c'était quelque chose comme 4 pistes, peut-être 8 pistes seulement, et des beeps très, très primitifs pour composer tout ça. Mais déjà à l'époque, il y avait tous les éléments qu'on entend là, à savoir les petites percussions en trois temps qui représentait donc la marche d'un cheval, la course d'un cheval plutôt, et tout cet aspect épique déjà. Là le boulot était presque simple, j'allais dire. Il suffisait de remplacer les bips par des violons, des cuivres, etc. Et voilà, toute la base était déjà en 86. Donc voilà, énorme travail de Koji Kondo et très beau travail aussi d'adaptation pour cet orchestre symphonique. On va passer maintenant à l'exact inverse, puisqu'on va écouter le thème principal de Mortal Kombat, donc jeu de combat ultra violent sorti en 93, si je dis pas de bêtises, qui était le concurrent direct de Street Fighter, et qui donc attiré par sa brutalité, le sang, tout ça. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué étant petit, c'est d'ailleurs pour ça certainement qu'aujourd'hui je suis complètement assoiffé de sang. Et voilà, donc du coup là on part sur autre chose, c'est complément de la grosse techno, la chanson s'appelle d'ailleurs Techno Syndrome. C'est le thème principal composé par le groupe The Immortals, sachant que chaque personnage avait son thème attribué dans un CD composé entièrement par ce groupe-là. Cette chanson-là, on a pu l'écouter ensuite dans le film Mortal Kombat, le 1 que je n'ai pas vu, je dois avouer, et le 2 qui est un très bon nanar à regarder entre amis. Voilà, je vous le conseille. Il y a un dernier film qui est sorti cette année, je crois, ou l'année dernière, voilà, qui reprend aussi cette mélodie, cette base mélodique en tout cas, et qui a fait un remix. Le film est pas dingo, mais bon, si un dimanche vous avez une petite gueule de bois, c'est pas mauvais pour passer le temps. En attendant, on va faire une petite pause. Donc, je vais faire une petite pause avec cette chanson-là, Mortal Kombat, le thème principal qui s'appelle Techno Syndrome. C'est parti. Le thème principal donc de Mortal Kombat, je soutiens 93 du coup. On va passer à autre chose directement puisqu'on va passer de, on va parler pardon de notre jeu de Shigeru Miyamoto qui donc est le papa de Mario, de Zelda, de Metroid. Et donc là on va parler de F-Zero. Alors je sais que je suis très Nintendo dans ce petit podcast, mais bon, je dois bien l'avouer. Que c'est avec ça personnellement que j'ai grandi et que ce sont mes jeux préférés. On va parler de Big Blue, donc qui est une planète dans l'univers de F-Zero et où se déroulent plusieurs courses différentes et avec qui a son propre thème évidemment. Il y a eu donc différentes versions de ce thème. Personnellement, je l'ai connu sur Nintendo 64 avec F-Zero X. Qui avait une bande son très axée rock avec des grands solos de guitare. Voilà, c'était assez en gros simplifié, mais toute la musique du jeu qui a été un peu plus, même beaucoup plus électrifié sur F-Zero GX sur Nintendo GameCube, qui est un jeu que je vous conseille absolument, certainement des jeux de course que je préfère au monde. Mais cette fois, on va parler de la version de Mario Kart 8. Puisque, profitant du concept de ce Mario Kart 8 qui ressemble beaucoup à celui de F-Zero, ils en ont profité pour mettre deux ou trois circuits à la F-Zero dans Mario Kart et donc à reprendre les thèmes de ces jeux. On va écouter donc le thème de Big Blue de Mario Kart 8 où ils ont remplacé quelques parties guitare par des cuivres, ce qui rend la chose un peu plus chaleureuse, mais vous allez voir, ça va quand même très très vite. Puisque c'est le principe du jeu F-Zero et que c'est quand même vachement bien repris dans ce jeu Mario, dans ses circuits en tout cas. Donc voilà, Big Blue, je sais pas trop qui c'est qui a composé, je n'ai pas retrouvé le compositeur, j'ai trouvé un nom mais je pense pas que ce soit celui-là, donc je préfère ne pas vous le donner. Voilà, on écoute ça. Donc voilà le thème de Big Blue arrangé à la sauce Mario Kart, donc qui est un jeu sorti en 2014 je crois, qui date un peu, qui a été ressorti ensuite sur Nintendo Switch avec quelques modifications sur le jeu qui étaient les bienvenues en tout cas. On va rester chez Nintendo maintenant pour le prochain morceau, puisqu'on va parler du thème d'ouverture de Super Smash Bros. 4, donc celui sur Wii U et 3DS, c'est 3DS, qui a été composé par Akari Kaida. Mais bon, faut quand même savoir que, donc, même s'il y a un thème, différent dans ce jeu-là à chaque fois, c'est un jeu donc de combat qui fait s'affronter de 4 à 8 joueurs en même temps dans une arène, avec énormément de personnages au début seulement de Nintendo, et maintenant c'est un peu devenu n'importe quoi, je crois qu'il y a plus de 80 personnages jouables. Et il y a quelque chose comme 70 arènes, et je crois quelque chose comme 1000 heures de musique au total, entre les compositions originales, les réadaptations. C'est une véritable discothèque qu'il y a dans ce jeu, puisque le but de ce jeu-là était de reprendre absolument tout ce qui a été fait dans tous les Super Smash Bros. Auparavant. Il s'appelle donc Ultimate. N'hésitez pas à aller écouter différentes versions de vos morceaux préférés. Il y en a pour tous les goûts, de symphonique, du rock, de la techno. Il y a vraiment un peu de tout. Pour cette fois-ci, j'ai voulu vous faire écouter le thème principal donc de Smash Bros 4, qui est le seul de la série auquel je n'ai jamais personnellement joué. Mais je sais pas, je trouvais qu'il avait quelque chose d'assez assez à la fois guerrier et festif. Donc ça représentait assez bien la série. Je vous laisse écouter ça. C'est le thème principal de Super Smash Bros. For Wii U. Le thème d'ouverture de Super Smash Bros 4 qui a été composé par Yoko Shimomura, sorti sur Wii U, ça fait quoi, ça fait 2012-2013 par là ça, voilà, vous voyez l'espèce de grandiosité du thème. En même temps, c'est Super Smash Bros, c'est quand même le jeu de la démesure, surtout le dernier qui, je vous rappelle, a plus de 1000 heures de musique intégrée au jeu, 70 personnages jouables, enfin c'est quand même complètement débile. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mortal Kombat, on va continuer avec le concurrent donc de Mortal Kombat sorti en 91, c'est Street Fighter, et Je ne sais pas si on connaît très bien le thème principal de Street Fighter, mais celui qu'on connaît très bien, c'est celui que je vais vous mettre, à savoir le thème de Guile. Et il est cette fois-ci remis au goût du jour, puisque sorti en 91, vous imaginez bien que c'était de la 8-bit ou de la 16-bit peut-être. Là, c'est une version rock qu'on a sur le thème de Guile, c'est parti. Le thème de Guile, composé par Yoko Shimomura. Vous avez entendu avec un petit côté série télé américaine des années 90 pour la fin. Voilà, c'est quand même un thème assez culte qu'on peut retrouver dans pas mal de mèmes dès que ça part un peu en bagarre dans des vidéos un peu à la con sur YouTube. C'est presque la fin, il reste une chanson à vous faire écouter. C'est mon jeu de l'année 2021, puisque j'ai passé quasiment toute l'année à jouer dessus. C'est Doom Eternal. avec le BFG Division 2020, qui est donc une une recomposition de BFG Division qui date de 2016, donc composée par l'immense Mick Gordon, qui en 2016 avait gagné le Game Award de la meilleure musique de jeu vidéo. Et il faut avouer qu'il a fait un taf assez monstrueux sur ces deux jeux-là, même s'il a dû se barrer sur ce Doom Eternal, puisqu'il était en désaccord sur le mixage de la musique. Et je crois que très récemment, Bethesda a accepté de sortir son mixage de la musique. Enfin, c'est assez bordélique, mais c'est quand même un truc à suivre, surtout à suivre Mick Gordon, qui a donc composé tout ça. C'est du gros métal, je préfère prévenir tout de suite. C'est très brutal, tout comme le jeu, hein, qui est quand même réputé pour ça. Voilà, il a fait un gros travail. C'est uniquement instrumental. Il y a pas mal de parties un peu électro, avec beaucoup de saturation dessus, des guitares qui sont passées par 12 000 pédales, et avec pas mal d'easter eggs dans la musique même. Alors ça, pour les trouver, je vous conseille simplement d'aller sur YouTube, parce que sinon, il faut rendre des logiciels et chercher minutieusement toutes les conneries qu'il a pu mettre dedans. En tout cas, moi, je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous avez apprécié ces différentes chansons. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Non Essentiel sur archive.org. Tapez simplement Non Essentiel avec un trait d'union entre les deux. Ou vous pouvez envoyer un mail simplement à radionoculture@gmail.com. Voilà, moi je vais vous laisser avec ça. C'est quand même un beau morceau de 8 minutes, bien brutal. Voilà, je préfère vous prévenir. C'est BFG Division 2020 par Mick Gordon pour le jeu Doom Eternal, sorti donc l'année dernière. Je vous dis salut et à la semaine prochaine.